إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله ربى الإسلام أتباعه على المثل والقيم والأخلاق الفاضلة وأحاط الأعراض بسياج يمنعها من الانهيار والضياع وحفظ المرأة وأحاطها بالرعاية والسناية في داخل منزلها وخارجه واعتبر التعدي عليها بالقول أو الفعل جريمة نكرا وانتشارا للفواحش أو للفاحشة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما أن التعرض والتحرش بها من أعظم الوسائل المفضية إلى الزنا قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقربان ذلك إما بالكلمة أو النظرة أو بكلمة يقولها أو بنظرة ينظر إليها والتضييق عليها ومحاولة الاحتيال عليها ليوقعها في الرذيلة وتلك جريمة نكراء يعتبرها الإسلام وسبب من أسباب الضلال والفساد عباد الله يتساءل البعض عما يجري أحيانا من بعض ضعفاء الإيمان من إيذاء النساء في الطرقات والتعرض لهن بأنواع الحيل والخداع وما موقف الإسلام هل هناك شيء في شريعة الإسلام يحول بين هذه الأمور السيئة فنقول عباد الله إن شريعة الإسلام وضعت ذرائع ووقاية وقاية تقي المجتمع المسلم من الإيذاء والتعدي على النساء أولا وقبل كل شيء أرشد الإسلام المرأة إلى البقاء في منزلها إذا لم يدعو للخروج حاجة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة ثانيا ومن ذلك أن المرأة إذا اضطرت للخروج لأمر ما فلتلتزم الحشمة والبذاءة ولتبتعد عن الرذيلة والتعطر الذي ربما يغري ضعفاء الإيمان بالمرأة ويسبب لهم الاعتراض لها ومنها أمرها بالحجاب والجلباب الشرعي يقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذا عام لجميع المسلمات، والأمر بارتداء الجلباب الشرعي الإسلامي الذي يستر جميع البدن من الرأس إلى القدمين، ومنها أنه منع المرأة من الخضوع بالقول في مخاطبة الرجال، ونهاها عن الخضوع في القول وعن معسول القول، فلا تخضعن بالقول، يقول تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فنهاها عن القول الذي ربما يسبب طمع الرجال فيها وخضوعها بالقول ومخاطبته بكلمات ربما يستشف منها أمرا خطيرا، وأمرها أن تقول القول المعروف لا إفراط ولا تفريط. ومنها أنه جل وعلا خاطب المؤمنات بقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من الخلخال، فنهاها عن هذه الحركة التي تضرب برجلها ليسمع الحلي في قدميها. ومنها أيضا أيها المؤمنون أن الإسلام أمر بغض النظر وغض البصر لكل من الرجل والمرأة. قل للمؤمنات، يقول تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا غض الرجل بصره وغضت المرأة بصرها صار إبعادا للشر، لأن البصر بالبصر الوصول للقلب، فمتى أمعن النظر وكرره وردده ربما يقع في قلبه شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النظرة الفجاءة قال غض بصرك لك الأولى وليست لك الثانية. ومنها من الأسباب أيضا المنع من الدخول على النساء غير المحارم، ففي الحديث إياكم والدخول على النساء. وقال رجل يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت، أي قريب الرجل قريب الزوج. ومنها الحذر من الخلوة بالرجل من امرأة لا تحل له، كما في الحديث ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن ذلكم يا عباد الله نهي المرأة عن السفر بلا محرم، ففي الحديث لا يحل لامرأة مؤمنة أن تسافر إلا مع ذي محرم. تقربوا بارك الله فيكم. ومنها نهي المسلم عن مس امرأة لا تحل له، ففي الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له. ومنها الأمر بالاستئذان قبل الدخول، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومنها النهي عن النظر في بيوت الآخرين، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من خلال الباب وفي يده مكرات من حديد، فقال له: لو أعلم أنك تريد النظر لفقعت بذلك عينك، إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ومنها أنه جاء في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ومنها نهي المرأة أن تصف لزوجها امرأة أجنبية كأنه ينظر إليها، لما يؤدي ذلك إلى تعلق قلبه بها. عباد الله، إن من أسباب ما يسمى بالتحرش في هذا العصر ما يلي: أولها ضعف الإيمان، فإن ضعف الإيمان يؤدي إلى أمور كثيرة، إذ الإيمان القوي يحول بين المرء وبين معاصي الله جل وعلا، فضعف الإيمان يتسلق الشيطان له فيزجه للمعاصي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن أسباب الإيذاء كثير من القنوات الإباحية التي تنشر الأغاني والفحش وتختص بإثارة الغرائز وعرض المرأة شبه عارية، مما يسبب طمع ضعاف الإيمان والبصائر في ذلك وتعلق قلوبهم بهذه الفواحش والمنكرات. ومنها عباد الله ما يحصل من صعوبة الزواج وتبعاته على الشباب، التي تعجز كثير من الشباب، تعجزهم عن الزواج، فيسبب ذلك عزوبة الرجال عن الزواج. ومنها الفراغ الذي يقضي على الطاقة الفكرية والجسدية ويسبب المشاكل والبلاء. ومنها خروج المرأة كاسية عارية، فإن ذلك يغري السفهاء بها. ومنها الاختلاط بين الجنسين في العمل أو في أي مكان، فإن اختلاط الجنسين ضرره عظيم وشره مستطير، ولهذا جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالالتقاء في ميدان العمل مهما كان الاختلاط الجنسين سيكون سببا لحصول ما يحصل من الرذائل وضعف الإيمان. فالمسلمون إذا طبقوا تعاليم دينهم حقا وقاهم ذلك من الوقوع في الشر والبلايا، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فتعاليم القرآن والسنة والعمل بها وتطبيقها خير لنا في أمر ديننا ودنيانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, l'islam a éduqué ses fidèles à adopter le meilleur des comportements et des valeurs. Et il a enveloppé la société et l'honneur des musulmans d'une clôture et d'une barrière pour la protection des mœurs et de l'honneur. Et il a préservé la femme et il lui a donné toute sa protection, que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Et l'islam a considéré que de transgresser contre la femme, que ce soit par la parole ou l'action, c'est un crime blâmable. Et que c'est une prolifération de la turpitude. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne vous approchez pas des turpitudes, ne vous approchez pas des grands péchés. Que ce soit quelque chose d'apparent ou de caché. La turpitude, al-fawahish en arabe, ça veut dire un péché qui est à l'extrême dans la laideur. Hein? Et donc, le fait de voir certains musulmans qui essaient de s'approcher des femmes, qui essaient de courtiser des femmes et essayer de s'approcher d'elles pour les tromper ou les amener à la turpitude et à la fornication ou à l'adultère, ça c'est des choses qui sont graves. Et Allah subhanahu wa ta'ala avertit les musulmans à ce sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la taqrabu zina » Ne vous approchez pas du zina, la fornication et l'adultère. « Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila » Et les ulama ont expliqué à propos de ce verset-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interdit seulement de faire le zina, c'est-à-dire de faire l'adultère ou la fornication, mais même de s'en approcher. C'est-à-dire que tu t'en approches avec une parole, avec un regard, avec yani, un geste. Yani, tout ça, c'est des choses qui amènent à la turpitude et donc c'est des choses qui ont été interdites. Et donc, c'est pas seulement de l'acte lui-même qui est interdit, l'action de faire le zina, mais tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans le zina devient également interdit. Et donc, certaines personnes demandent quels sont les moyens qui peuvent protéger les musulmans dans l'islam de tomber dans ce genre de péché, dans ce genre de problème. Eh bien, dans l'islam, il y a beaucoup de règles qui ont été établies par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire en sorte que les gens soient protégés, que ce soit les hommes ou les femmes, de tomber dans ce genre de péché. Et parmi les choses qui ont été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous préserver, pour préserver la société contre la transgression contre les femmes de cette façon, il y a le fait que premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme de demeurer chez elle, dans son foyer. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elle ne doit pas sortir, excepté pour un besoin. Et il dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ C'est-à-dire, et demeurez dans vos maisons, restez chez vous, dans vos maisons. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى Et ne vous exhibez pas de la manière dont les gens le faisaient dans la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. Et comment les femmes s'exhibaient dans la jahiliya? Elles s'exhibaient comme elles s'exhibent aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont revenus à la jahiliya. Ils sont revenus aux méthodes et aux façons de vivre pré-islamiques. Comment les femmes s'habillaient avant? Elles couvrent une partie et elles découvrent une autre. Elles montrent une partie et elles cachent l'autre. Et donc, ça fait que les hommes voient ce qui les attire, ce qui les tente, et c'est ce qui produit par la suite toutes sortes de tentations et de péchés dans la société. Et donc, la femme, avant l'islam, elle découvrait une partie de sa poitrine avec un décolleté. C'est ce que les femmes faisaient avant l'islam. Elles montraient leurs cheveux, ou une partie de leurs cheveux. Elles montraient les formes de leur corps, leurs hanches, leur taille. Elles faisaient entendre le tintement de leurs bijoux quand elles marchaient. Elles adoptaient une démarche qui fait que les hommes la regardent quand elles passent. Elles font du bruit. Elles mettent beaucoup de parfum sur elles pour être certain que lorsqu'elles passent quelque part, tout le monde prenne une partie de son parfum. Elle s'embellissait avec du maquillage. Et qu'est-ce qu'elle faisait aussi? Hein? Eh bien, elle essaie de parler avec une voix douce, mielleuse, pour que tout le monde soit séduit par la beauté de sa voix. Ça, c'était avant l'islam. Et l'islam est venu interdire ça, interdire ce qu'on appelle le tabarruj. Et le terme tabarruj, en arabe, ça veut dire le fait de montrer la beauté et les parures de la femme. Tous ces charmes, c'est de les montrer, de les mettre en valeur et de les exhiber. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il dit « Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-oula » C'est-à-dire, ne faites pas cette exhibition de vos charmes et de vos parures comme les gens avant l'islam le faisaient. Maintenant, restez dans vos demeures, cessez de faire ce tabarruj. Hein? Et il ordonne à la femme d'établir la salat et de donner la zakat. Parmi les règles de l'islam également, il y a le fait que si la femme, elle a un besoin quelconque, elle est forcée à sortir, elle n'a pas le choix de sortir, eh bien, elle doit sortir d'une manière qui est modeste, chaste, pudique, timide, en cachant ses parures et ses charmes, en ne les montrant pas et en les exhibant pas, pour que les gens qui ont une faiblesse dans le cœur et dans la foi ne soient pas tentés et ne tombent pas dans la turpitude et le péché à cause de ça. Et donc, elle se couvre en portant ce qu'on appelle en arabe le djilbab, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme de porter. Lorsqu'il dit dans le verset, dans surat al-Ahzab, « Oh, toi le prophète, dis à ta femme, ou à tes femmes, dis à tes filles, et dis aux femmes des croyants, qu'elles rabattent sur elles leur djilbab. » Et le mot qui est employé dans le verset, c'est « jalabib », qui est le pluriel du mot « djilbab ».« Yudnina alayhin min jalabibihin » Qu'elles rabattent sur elles leur djilbab. Et cela est mieux pour qu'elles soient reconnues et qu'on ne leur fasse pas de tort. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et les ulama, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les sahaba et les tabi'in, les élèves des sahaba, ils ont décrit le djilbab, comment les femmes le portaient. Et ils ont dit que c'est n'importe quel morceau de tissu que la femme met sur son corps et dans lequel elle s'enveloppe pour que rien de son corps n'apparaisse. C'est-à-dire de sa tête jusqu'à ses pieds. Et certains d'entre les sahaba ont dit pour qu'on ne voit apparaître qu'un seul œil, pour qu'elle puisse regarder où elle va. Et ça, c'est le djilbab qui a été décrit par les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabiyat et les tabi'in et les grands ulama. Et vous voyez que c'est pas qu'est-ce que beaucoup de musulmanes aujourd'hui, malheureusement, portent en guise de hijab et qu'elles prétendent que c'est un hijab, c'est-à-dire un petit foulard qui couvre seulement les cheveux de la femme, seulement les cheveux. Et puis, le reste de son corps, il est habillé comme un homme, hein, avec une tunique et un pantalon. Et c'est à peine si ça couvre réellement les formes, hein, et la silhouette. Et donc ça, ce n'est pas un djilbab qui respecte les règles de l'islam et de la charia. C'est pour cette raison que si on fait quelque chose pour Allah, en tant que musulman, il faut se forcer à le faire de la meilleure façon possible. Parce que c'est ce qu'on fait pour Allah, c'est une adoration, c'est une ibadah. Et si on fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, le moindre de ce qu'on peut faire, c'est de le faire comme il nous a demandé de le faire. Et non pas d'essayer de le faire à moitié, ou de le faire juste pour satisfaire ce que des gens pensent. Il faut vraiment être au courant de ce que Allah exige, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande. et essayer de l'exécuter de la meilleure façon possible. Parmi les règles également de l'islam qui préservent la femme et qui préservent la société, il y a le fait que la femme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit d'enjoliver sa voix et son discours lorsqu'elle parle à un homme étranger. C'est-à-dire que la femme musulmane, quand elle parle à un étranger parmi les hommes, elle ne devrait pas s'adresser à lui de la façon dont elle s'adresse à son mari. Et malheureusement, à notre époque, parfois, certaines femmes, elles parlent avec une voix plus douce quand elles parlent à un étranger que quand elles parlent à son mari. Quand elles parlent à son mari, elles lui parlent avec un ton dur et elle est souvent en colère. Tandis que si elle parle avec un étranger ou quelqu'un d'autre, elle va commencer à être gentille et adopter un ton doux et mielleux, alors que ça devrait être le contraire. Quand elle parle à son mari, elle lui parle avec douceur, hein, avec gentillesse, hein, avec la douceur et du miel dans la voix. Et quand elle parle à un étranger, un ton neutre, ferme, hein, pas avec un son ou une voix qui chante. Donc ça, c'est très important. Parce que la personne qui a une voix faible, quand il entend une femme qui parle avec un ton un peu trop doux, il commence à se faire des idées dans sa tête. Et le shaitan l'égare à cause de ça. Parmi les règles également de l'islam, c'est que ce n'est pas seulement les parures qui sont visibles que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, que la femme exhibe, mais même les parures qui sont cachées. Et l'exemple de ça, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ » C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas frapper leurs pieds pour qu'on entende le tintement ou le bruit de leurs parures, leurs chaînes ou leurs bijoux qu'elles ont accrochés à leurs pieds. Et c'est ça que les femmes de la Jahiliya, avant l'islam, à l'époque, avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes faisaient ça. Hein? Elles portaient des bijoux dans leur cheville et avec des petites cloches ou des petits objets qui font du bruit. Puis quand elles passaient devant des hommes, elles frappaient leurs pieds pour faire entendre le bruit. Et aujourd'hui, tu entends ça des fois aussi. Lorsque des femmes portent des chaussures qui font beaucoup de bruit, lorsqu'elles passent, ça fait un son. Hein, pour faire attirer l'attention. Et donc ça, c'est des exemples de ce que Allah a interdit. Donc même si on ne le voit pas, hein, il ne faut pas l'exhiber ou le montrer. Approchez-vous ici un petit peu, les frères. Il y a des gens qui sont debout là dans l'entrée. Barakallahu fikum. Approchez-vous un peu pour faire de l'espace. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux hommes et aux femmes de baisser leur regard. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une femme étrangère qui s'exhibe ou qui montre sa parure, l'homme devrait baisser son regard. Et la femme aussi, lorsqu'il y a des hommes présents qui sont des hommes étrangers, elle devrait également baisser son regard par la chasteté. Hein? Et on sait qu'on vit dans un pays où les gens ne sont pas musulmans, donc ils ne connaissent pas les règles de l'islam. Ils ne connaissent pas les règles de pudeur islamique. Il ne faut pas penser que parce que ceux avec qui on vit ne connaissent pas les règles islamiques, que ça nous donne la porte ouverte pour prendre des libertés avec les femmes de ces gens-là. Beaucoup de musulmans pensent que de faire le zina avec une musulmane, c'est ça qui est haram. Mais le zina avec une kafira ou non-musulmane, ça c'est pas grave. C'est aussi grave de faire le zina avec une femme musulmane qu'avec une non-musulmane. C'est un péché dans les deux sens. C'est pas permis. Pas parce que c'est une femme, tu dis elle n'est pas musulmane, c'est pas grave, je peux faire le zina avec elle. A'udhu billah. C'est autant haram. La même chose dans les deux sens. Tu dois respecter l'honneur et tu dois préserver tes parties. de tout ce qui est haram. Malheureusement, certains, ils prennent ça à la légère. Et même, pas seulement les hommes, même des femmes, même des mères de famille. Et même une fois, je me rappelle, une femme a appelé à la mosquée pour poser des questions. Elle m'a dit, oui, mon fils, il est avec une femme, mais ce n'est pas grave, elle n'est pas musulmane. Il se pratique avec elle. A'ouzou billah. D'où est-ce qu'elle vient cette mentalité que même les mères, elles ne sont pas capables d'enseigner à leur fils que de faire le zina, c'est haram. Hein? Puis qu'il leur fait croire que c'est pour se mettre, c'est pour se pratiquer. Pratiquer à quoi? À attraper des maladies. Après, tu vas donner ça à ta femme. Quand tu vas te marier avec une femme, tu vas lui donner des maladies. Parce que tu as fait le zina. Hein? Tu as couru après tes passions et tes désirs. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et également, l'islam interdit aussi de rester dans une pièce seule avec une femme étrangère, une femme que tu as le droit de marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu restes avec elle toute seule, le troisième de vous deux, c'est le shaitan. Le troisième de vous deux, c'est le shaitan. Et donc, il faut faire attention à ces choses-là et s'écarter de toutes ces tentations et de tout ce qui est haram pour préserver notre honneur, pour préserver notre religion, pour préserver notre foi, notre dignité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est juste un rappel que je voulais faire, parce que des fois je fais une khutba sur un sujet, après il y a des frères, ils rentrent chez eux dans la maison, ils voient leur femme, ils commencent à dire, là tu vas mettre le hijab, maintenant il faut commencer tout de suite. Il faut comprendre qu'il faut utiliser la sagesse, il faut utiliser la douceur, il faut aussi passer par l'éducation de nos femmes, avec la science, la connaissance, la compréhension de l'islam, pour qu'elles commencent à pratiquer ces choses-là. Ce n'est pas avec la violence, l'agressivité, le fait de crier. Ça ne va rien changer, au contraire. Donc, il faut bien comprendre les choses. Quand je parle sur le minbar, j'explique des règles générales, je donne des exemples. Mais il ne faut pas arriver comme ça avec peu de compréhension, peu de sagesse. Après, on fait plus de mal que de bien. Il faut bien réfléchir. Barakallahu fikoum.